Les petites histoires de Tell Me. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose une histoire bonus. Mon premier vrai baiser. Un livre jeunesse de David Cali et Amélie Gros, publié chez Little Urban dans la collection Premier Roman. Il est raconté par Mathieu Farcy. Bonne écoute. C'est quoi ce carton ? Une invitation ! Une invitation à quoi ? À une fête d'anniversaire ! Waouh ! Alors, une fois acheté un horrible livre de licorne, il faut aussi trouver une carte de vœux. Une carte de Spider-Man ? Mais non ! Une carte de Dark Vador ! C'est beaucoup mieux ! Ou une carte de Dragon Ball, alors ? Finalement, c'est une carte de licorne. Il faut aussi écrire un message. Cher Élise. Après, il ne faut pas oublier d'être gentil avec la maman qui vous invite. Lui apporter un petit quelque chose lui fera sûrement plaisir. Peut-être des fleurs. Ou sinon, un mug de Spider-Man. Mais non, un mug de Dark Vador. C'est beaucoup mieux, Dark Vador. Ou un mug de Dragon Ball, alors. Finalement, c'est un mug licorne. Mais surtout, quand on va à une fête, il faut trouver le courage d'inviter la personne qui te plaît. Cette fois-ci, c'est facile. Tout le monde est déjà invité. Ouf ! Étape 1. Comment se coiffer ? Ouais. Oh non. Ah ! Fololo. Étape 2, comment s'habiller ? Il faut choisir le costume. Spider-Man ou Dark Vador ? Ou Dragon Ball alors ? Oh, mais arrête avec Dragon Ball ! Étape 3, se préparer au baiser. Au baiser ? Ah bah oui, aux fêtes d'anniversaire, on danse. Et après, c'est peut-être le baiser. Donc il faut être prêt. Tu t'y connais, toi ? Bien sûr. T'as beaucoup embrassé ? Non, mais une fois dans un épisode de Dragon Ball... Oh, mais arrête avec Dragon Ball ! C'est enfin le grand jour. Et première surprise, ce n'est pas une fête déguisée. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir mal compris. Au début de la fête, il faut suivre une stratégie précise. Ne pas s'empiffrer tout de suite de chips, histoire de laisser un peu de place pour le gâteau. Mais bon, on peut quand même manger une certaine quantité. Au fait, on organise toujours des jeux. Et parfois, il y a un magicien. Mais ce n'est pas toujours terrible, hein. Abracadabra et puis... non. Passage obligé, la danse. Et là, ça se complique. Il faut choisir la copine ou le copain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, se produit toujours un phénomène bizarre. Tu n'arrives jamais à danser avec qui tu veux. Mais parfois, on y arrive quand même. Ah. Le plus difficile quand on danse, c'est de ne pas se marcher sur les pieds. Mais qui a éteint la lumière ? Et là, dans le noir, tu comprends que c'est le moment. C'est le moment du baiser. Enfin, peut-être. Mais dans le noir, c'est la panique générale. Il faut la retrouver. Pas évident. Sinon, on risque d'embrasser Dark Vador. La revoilà. Tu la reconnais par son parfum à la pêche. C'est le moment. Vas-y. Mais rien ne se passe. On rallume et t'as rien fait. La fête est finie. On aide à débarrasser et à tout ranger. Quelqu'un termine les dernières chips et on pense déjà à la fête suivante. Faut se dire au revoir quand soudain... Cool. Cette histoire vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire par mail, Facebook ou sur Instagram. Et si vous avez envie de lire Mon premier vrai baiser et d'autres histoires sur des premières fois, vous trouverez les références des livres dans les notes de l'épisode. À bientôt !